Je sais que j'en abuse. Mais c'est nécessaire qu'il soit ouvert tout le temps. Oh oh oh. De quel droit ? Quoi ? De toute façon, quand je vois ta tête, c'est bon. C'est une aide. Non, mais ça. Non. Oui, mais c'est déjà assez compliqué pour moi. On ne traîne pas là-dedans. Entraînons. Traînons ensemble. Des traîneaux plus ou moins chargés. Papa Noël. Des sacs à dos avec la hotte. Plus ou moins de galets. On a tous ces fardeaux. C'est en traînant ensemble qu'on les perçoit. Traînons. On les aperçoit entrer. Chante en païen. Entre. Non. Nanana. Pas forcément entraîner à faire comme tu veux à l'instant. En train, work in progress, tu ménages tes effets en fait. ménage, tu zip. Les vibrations internes. Tous avant d'avoir commencé. J'ai peur.